Oui, le Seigneur est vivant. Non, mais il faut s'en rappeler, hein? Vivant pour toujours. Les gens l'ont vu, ils ont touché, ont mangé avec lui, ils sont allés à la pêche. Ils étaient émerveillés de le voir. Émerveillés de voir quelqu'un qui, quelques jours auparavant, était brisé sur la croix, méconnaissable. Tellement on l'avait battu, tellement on l'avait transpercé. Et tout d'un coup, trois jours plus tard, debout, rayonnant de gloire, ses disciples n'en reviennent pas. Hein? Le même homme, oui, le même homme rendu vivant. De mort qu'il était, redevenu vivant. Mais pas vivant juste pour une journée, vivant pour l'éternité. Quel rapport est-ce qu'il y a avec Nombre 17? Peut-être qu'on va en jaser tout à l'heure. Es-tu une personne sensible à la critique? Vous souriez, mais vous ne parlez pas. Hein? Bon, j'ai compris. Quelqu'un qui, quand un autre murmure à ton sujet, tu es peut-être porté à répondre du tac au tac. Hein? Action égale réaction. Ça, c'est un principe de physique. Plutôt que de laisser Dieu intervenir. Si c'est là ton cas, le texte de ce matin va te permettre de saisir que Dieu, dans sa souveraineté, sait très bien comment te défendre sans que tu parles. Il sait très bien comment faire pour te démarquer par rapport aux autres. Il sait très bien comment faire. Et il sait comment aussi répondre efficacement pour que les autres saisissent qui tu es et qu'est-ce que Dieu attend de toi. OK. On est dans Nombre 17. Fait que je vous explique un peu d'où on vient. Donc, à date, ce qu'on a vu dans les chapitres qui précèdent, c'est que la puissance et la sainteté de Dieu se sont déjà manifestées. Donc, Israël, le peuple que Dieu a choisi, il ne peut pas passer à côté. Donc, dans les premières choses qu'il a fait, c'est qu'il les a libérés de l'esclavage de l'Égypte, puis il les a emmenés avec lui. Donc, Dieu les a précédés, il était en avant, il traçait la route, il les a emmenés avec lui. Donc, il lui a fait aussi passer la mer Rouge à pied sec. On parle d'une population énorme. On parle de presque la population de Montréal. Ensuite, il les a abreuvés, il les a nourris dans un affreux désert. C'est comme ça que ça va être écrit dans les Écritures. Il va le protéger de ses ennemis. En fait, ils n'ont pas à combattre, là. Ils partent, là, on pourrait dire, ils ont peut-être des armes, mais ils ne vont pas y toucher. Et Dieu va les avoir aussi amenés jusqu'aux portes de la terre promise. Mais ce qui caractérise les premiers chapitres, les derniers qu'on vient de voir, c'est qu'ils passent leur temps à murmurer. Ils passent le temps à remettre en doute ce que Dieu dit. Ils passent leur temps à non seulement parler contre Dieu, mais parler contre ceux que Dieu a choisis, entre autres Moïse et Aaron. Et on va y arriver tantôt. Mais ces nombreux murmures-là n'ont jamais cessé d'irriter Dieu. Et ça va le faire réagir. Dieu qui nous a créés, qui nous a fait sensibles, il est aussi un être extrêmement sensible. Et nos vies l'intéressent. Et en même temps, c'est qu'il est touché par ce qu'on vit. Fait que si on dit des choses méchantes à son sujet parce qu'on ne le connaît pas bien, ce que j'ai fait pendant longtemps dans ma vie, je blasphémais son nom, mais Dieu est au courant, il m'entend. Sauf qu'il ne veut pas que je meure. Fait que dans sa patience, dans sa bonté, il va intervenir dans ma vie pour que je le connaisse et puis que je puisse, à mon tour, l'aimer et changer tout ce qui est dans ma vie. Ça va être l'œuvre de l'Esprit de Dieu. On va commencer, si vous voulez, à lire Nombre 17. Les 13 premiers versets, en fait, il y en a juste 13. Vous êtes bénis. Ça donne bien, ça ne sera pas trop long. Alors, je vais commencer. Nombre 17. On est dans la suite, pour ceux qui n'étaient pas là avant aujourd'hui. Là. On a commencé le livre de Nombre plutôt, il y a un bon bout de temps. Et puis, on a l'intention de terminer. Donc, je suis au chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. » Une verge, c'est un bâton, comme un bâton de marche. Okay? Ça peut avoir différentes formes, là, mais ce n'est pas grave. « Soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. » Donc, il faut savoir qu'il y a 12 tribus. Au commencement, il y avait 12 fils, dont Lévi faisait partie de la tribu, des 12. Mais on se rappelle que Dieu a dit que Joseph deviendrait deux tribus, Manassé et Éphraïm, et qu'il avait mis à part la tribu de Lévi pour lui-même, pour son service. D'accord? Donc, il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le tabernacle où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons ou des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être considérée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périrons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? » On va y venir, on va essayer de mettre ça au clair un peu. Donc, je vais commencer par vous présenter... En fait, le rôle d'Aaron qui est ici, qui a été contesté avant par Corée, le rôle d'Aaron n'est pas seulement le chef de la tribu de Lévi, c'est qu'il est fondamentalement le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur-là, c'est un rôle que Dieu a donné, un rôle fondamental, que Dieu a donné à l'un des enfants de Lévi pour faire le sacerdoce, c'est-à-dire accomplir les offrandes pour Dieu, mais à cause des péchés des gens du peuple. OK, on va commencer par aller voir qui est le sacrificateur et qu'est-ce qu'il fait en particulier. C'est quoi son travail? Donc, le souverain sacrificateur, premièrement, c'est un Israélite. Donc, c'est un Juif. Tout comme Jésus est Juif. Qui va dire aussi que quand Jésus va parler à Nicodème, à la femme samaritaine, il va dire plutôt, le salut vient des Juifs, il ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Donc, le souverain sacrificateur est de la tribu de Lévi, c'est une des 12 tribus d'Israël, un des 12 fils d'Israël, de Jacob. Il est de la descendance d'Aaron, donc parmi même les Lévites, il y a comme deux groupes. Aaron et ses fils et tous les autres Lévites. Ils ont chaque groupe a sa responsabilité. C'est un prêtre pour Dieu qui va œuvrer à la place d'Israël. Rappelez-vous de ça. Fait que lorsque le souverain sacrificateur, tantôt, va aller dans le lieu très saint, c'est qu'il représente, lui, tout le peuple d'Israël. Et on a vu déjà qu'il y avait 603 550 hommes armés, à part les hommes, à part les femmes, les enfants et ceux qui avaient de moins de 20 ans. Ça commence à être du monde. Donc, lui, il porte sur lui toute la nation. Que fait-il maintenant de particulier? C'est qu'il offre des sacrifices pour Israël. C'est celui qui est désigné. Donc, lorsque quelqu'un a péché, il amène la bête que Dieu a désignée, il l'amène à l'autel des holocaustes, il la présente au sacrificateur. Il va confesser ses péchés sur la tête de l'animal. L'animal va être égorgé et l'animal va être brûlé sur l'autel. Okay? Donc, c'est le sacrificateur qui reçoit ni plus ni moins les confessions des péchés du peuple. Fait que vous imaginez au bout d'un an, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? S'il devait les comptabiliser, ça va faire un poids qui est extrêmement lourd sur lui tantôt. Donc, une fois là, par contre, le souverain sacrificateur va rentrer dans le lieu très saint, une seule fois par année. Mais il ne va pas rentrer là les mains vides. Il va devoir amener le sang d'un animal pur, sans tache, sans défaut, et qu'il va aller verser sur l'Arche d'Alliance. Je vais vous donner une image tantôt, ce ne sera pas long. Et le but de tout ce sacerdoce-là que va exercer le souverain sacrificateur, c'est d'obtenir le pardon des péchés du peuple. Ni plus ni moins, on pourrait dire comme chaque année, Dieu fait comme une remise à zéro. Lorsque le souverain sacrificateur exécute sa tâche, il fait comme une remise à zéro. Le péché n'est pas enlevé, mais il est couvert. Voici le sanctuaire. Donc, dans la première partie, vous voyez qu'il est comme divisé. La première partie, il y a des éléments. Mais là où va le souverain sacrificateur, c'est dans la deuxième partie, la partie du fond qui est à votre droite. Là où se trouve l'Arche d'Alliance. Donc, quand on parle du témoignage, on parle des tables de loi que Dieu a données à Moïse sur la montagne. Et Moïse les a déjà apportées là. Ils sont déjà dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur, c'est là qu'il va aller apporter le sacrifice de l'animal pour le pardon des péchés. La souveraineté de Dieu va se démontrer de trois façons dans notre texte. C'est la façon d'identifier qui est le souverain sacrificateur. Donc, c'est Dieu qui est souverain. S'il est souverain, c'est lui qui décide. Il décide de tout. Et il y a comme un cheminement qu'il va faire, par lequel il va faire passer Israël pour qu'il comprenne, qu'il saisisse bien que c'est lui qui décide et qu'il n'y aura pas d'obstacle ou d'incompréhension par rapport à sa volonté. Donc, la première, il va nous démontrer sa façon d'identifier qui est le souverain sacrificateur. La deuxième, c'est qu'il va nous démontrer ce que son choix unique repose sur Aaron. Et la troisième, il va nous montrer que la mort de celui qui ne croit pas, ça va être ça, sa conséquence. On va commencer par le premier. Donc, je vais relire avec vous pour ne pas qu'on l'oublie, là, de versets 1 jusqu'à 7. Donc, on se rappelle qu'il y a Dieu a demandé aux chefs de tribu de prendre un bâton, une verge, et d'écrire son nom à lui personnellement sur le bâton et de l'amener à Moïse qui, lui, va les apporter dans le lieu très saint. Donc, on va savoir qu'il y a 13 bâtons. Il y a 13 verges et sur les 13 verges, il y a 13 noms différents. Ce n'est pas le nom d'une tribu, c'est le nom du chef. Donc, les chefs, lui, ils parlent au nom de sa tribu. C'est lui qui porte toute la tribu sur son bâton. Le bâton qu'il apporte, vous avez peut-être déjà ça, utilisé ça, un bâton de marche. Okay? On va dire un morceau de bois que vous ramassez dans le bois, puis tout d'un coup, ça devient votre support. Là. Okay? Il est sec, il est mort, il n'y a pas de vie. Okay? Tous les bâtons qui sont déposés là ont toutes la même nature. Okay? Pour ceux qui ont fait le chemin de Compostelle, peut-être vous en avez utilisé un. Parce que des fois, monter des côtes, c'était un peu compliqué. Hein? Donc, tous les bâtons vont être déposés devant l'Éternel. Mais le choix que Dieu dit, voici comment vous allez distinguer quelle est la personne qui va être à mon service. Il dit, la verge qui va fleurir, c'est, et sur laquelle il y a un nom d'inscrit, c'est la personne qui va servir comme prêtre au sacerdoce. Et voici, il va dire, bougez pas, je vais vous le trouver. Verset 5, n'est-ce pas? L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Mais regardez bien le pourquoi Dieu utilise cette méthode-là. C'est pour faire cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Deux fois, Dieu va le mentionner. Il va le mentionner aussi au verset 10. Il va dire, « Tu feras cesser devant moi leurs murmures pour qu'ils ne meurent pas. » Dieu est comme un peu irrité. Heureusement qu'il est patient. Heureusement qu'il est rempli de miséricorde parce que le peuple n'existerait plus. Les murmures l'irritent au plus haut point. Mais Dieu, ici, il est en train de démontrer que lorsque Dieu choisit Israël, ce n'est que par grâce qu'il l'a choisi. Il aurait pu prendre n'importe quelle autre nation. Mais dans cette nation-là, il décide, lui, qu'il y a des façons de s'approcher de lui, de venir dans la présence de Dieu. Et pour ça, il va utiliser une personne qui est le souverain sacrificateur, qui, lui, va l'approcher une seule fois par année. Dieu veut faire taire les murmures qui sont constants depuis un long temps. Et nous autres, ça nous arrive aussi de murmurer ou même des fois de critiquer Dieu. Ça peut même nous arriver qu'on va jeter le blâme de Dieu sur nos fautes, à cause de nos fautes. On va dire que c'est Dieu qui nous a amenés dans cette situation-là, alors que c'est notre propre choix qui nous a amenés à pécher contre Dieu et qu'on va souffrir. En fait, lorsque vous êtes venu dans cette salle ce matin, Landry l'a dit tantôt, lorsque vous êtes venu dans cette salle aujourd'hui, Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lorsque vous entrez dans cette salle ici ce matin, c'est vous devez être conscient que Jésus est ici. Donc, c'est comme quand Aaron va dans le lieu très saint, il est avec l'Éternel. C'est là où il se trouve. Et vous devez être conscient en même temps que, puisque Dieu connaît chacun des chefs de tribu et qu'il connaît très bien Aaron, vous devez être conscient que Dieu vous connaît individuellement. Et là, je vous amène dans le psaume 139. Je vais lire ça avec vous parce que peut-être que vous l'avez déjà lu, je ne suis pas sûr. Mais si vous ne l'avez pas déjà lu, on va le regarder ensemble. Quelques versets, ce n'est pas très long. Donc, dans le psaume 139, si vous ouvrez votre Bible en plein centre, vous allez tomber dedans. En fait, si un jour vous êtes un peu découragé, si un jour vous êtes critiqué injustement et puis que vous pensez que vous n'avez pas de valeur, lisez ce psaume-là. Voici comment il commence. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » On va aller au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Comme ça, vous vous voyez? Quand vous vous regardez dans le miroir, là, c'est pas juste la face que vous avez là, quand vos yeux ne sont pas encore ouverts. Là. OK? Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Vous n'êtes pas né par hasard. Dieu vous connaît. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je continue jusqu'au verset 18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je souhaite que, pendant que vous allez être ici ce matin, avec Jésus, que vous êtes à cœur ouvert devant lui, que vous allez le laisser parler et vous allez le laisser vous convaincre que vous avez besoin de lui et que lui, il vous aime et il veut vous avoir avec lui. C'est mon souhait. Est-ce que tu connais ce Dieu souverain? Est-ce que tu as une idée de qui est ce Dieu souverain? Quand on parle de souverain, on va parler d'un président d'un pays, par exemple. On va parler d'un roi, comme en Côte d'Ivoire, peut-être, il existe un roi, là. Mais certains pays ont des chefs, des dirigeants. Et lorsqu'ils décident quelque chose, là, il va faire en sorte que ça va arriver par après. Dieu, en tant que souverain, lorsqu'il décrète une alliance ou lorsqu'il décrète une façon de faire, il va s'assurer que ça va s'accomplir. Parce que lui est souverain. Mais toi, tu dois savoir que Dieu te connaît. La deuxième section de notre texte, c'est que la souveraineté de Dieu se démontre par son choix unique de prendre Aaron comme son souverain sacrificateur. Et comment Dieu fait ça? Il va faire fleurir un bâton. On a dit tantôt qu'il était sec, sans vie apparente. On ne sait pas depuis combien qu'il l'a en sa possession. Il va faire fleurir le bâton. Il va pousser des boutons. Il va produire des fleurs. Il va mûrir des amandes. Savez-vous, une branche d'amandier, combien de temps ça prend avant de produire des amandes? Ça prend de 5 à 12 ans. En combien de temps Dieu a réalisé ce qu'il vient de faire? En une nuit. Du soir au lendemain. En une nuit. Est-ce que c'est évident ce que Dieu veut? Est-ce que c'est clair que le procédé que Dieu veut qu'on fasse, que Israël comprenne pour qu'il y arrête les murmures, que c'est Aaron qui a été choisi comme souverain sacrificateur pour venir dans sa présence en leur nom, pour que leur péché soit pardonné. Dans ce qui nous apparaît comme une impossibilité, quelque chose d'extraordinaire, d'inouï, pour Dieu, c'est possible. Et ça, c'est dû à sa souveraineté. Mais il va rappeler en même temps, il va demander à Moïse de reprendre ce bâton-là et de le ramener dans le lieu très saint pour le conserver. Et il va dire, on va s'en servir comme signe. Un signe pour faire taire les gens, les enfants de rébellion. Donc, ni plus ni moins, c'est qu'un jour, Dieu va le ressortir. Dans l'ombre, on va le voir. Dans pas très loin, là, on va voir que Aaron va aller rechercher ce bâton-là, puis ils vont le ramener. Et ça, c'est dans le but de dire à Israël, « Rappelez-vous qui je suis et rappelez-vous de quoi je suis capable. Et rappelez-vous que j'ai choisi quelqu'un qui vous représente. Prenez-en soin, écoutez-le. » Et toujours l'objectif, c'est de faire cesser les murmures afin qu'ils ne meurent pas. Il faut savoir que offenser Dieu, mépriser Dieu, contester Dieu, il y a des conséquences. On ne peut pas faire ça toute notre vie puis dire que Dieu n'existe pas parce que je ne l'ai pas vu et puis je peux faire ce que je veux puis je peux dire de lui ce que je veux. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que Dieu n'existe pas. Il existe vraiment et il sait qui nous sommes, il sait ce que l'on fait. Je vais lire avec vous 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. Landry était dans 1 Pierre tantôt. On aurait dû vous demander d'installer un doigt là-dedans. 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. Est-ce que vous y êtes? Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Imaginez, là, Moïse et Aaron, ça fait plusieurs fois qu'on murmure puis qu'on critique. On les a même accusés que c'était eux qui faisaient mourir le peuple, alors que c'est Dieu qui intervient. Fait que les afflictions, lui, il connaît ça, Aaron. Okay? Il murmure, il connaît ça. Ça fait assez longtemps qu'il en entend, il est capable de les distinguer dans leur langage. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance parce que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ni plus ni moins, c'est un cadeau que Dieu vous fait de souffrir pour son nom. On dit, oui, mais c'est illogique. Oui, mais encore là, Dieu a un plan. Il veut nous amener à sa ressemblance. Alors, on ne passera pas par les mêmes étapes que Jésus a passées parce qu'on ne serait pas capable d'y arriver. Mais la souffrance fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Et on ne doit pas la rejeter, on doit plutôt la comprendre. Mais on ne doit pas l'éviter non plus. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, lui qui maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, parce que Jésus a été mis à mort sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, sans direction, sans chef. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Le modèle qui est devant nous, ce n'est pas juste Aaron. Aaron n'est qu'un homme semblable à nous. Et Aaron devait offrir le sacrifice pour ses propres péchés à lui-même. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui a le bonnet sur la tête. C'est celui dont ici est écrit « Sainteté à l'Éternel ». La bande or qui est ici en haut. Et vous remarquerez qu'en face de lui, ce qu'on a, le cube qui est là, mais le carré, on appelle ça un pectoral. Chaque pierre représente une tribu d'Israël. Donc, chaque pierre représente des milliers de personnes. Les deux pierres qu'il y a sur les épaules ont aussi gravé sur chacune d'elles les 12 tribus d'Israël. 6 sur un côté, 6 sur l'autre. Lorsque le souverain sacrificateur se présente dans le lieu très saint avec le sang de la victime expiatoire, il a sur son cœur et sur ses épaules le poids de tout Israël, de tous les péchés d'Israël pendant un an. Vous pouvez imaginer? Faites juste regarder les vôtres pendant un an, prenez la peine de les écrire, puis vous me direz que ça a l'air à la fin de l'année. Lorsque Dieu choisit Aaron, il est en train de dire à Israël, « L'homme que je choisis de façon évidente, c'est celui qui vous représente auprès de moi, devant ma face. Et le sacrifice qu'il va offrir, c'est pour le pardon de vos péchés. » mais on en a tout un souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, lorsqu'il est sur la terre, Jésus, il n'est pas souverain sacrificateur. Il vient comme sauveur. Il vient comme libérateur. Il vient comme victime. Mais lorsqu'il va avoir versé son sang sur la croix, il va devenir souverain sacrificateur pour l'Éternel, c'est-à-dire que son propre sang va être amené dans la présence même de Dieu dans le ciel. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Donc, ce n'est pas la tente que je vous ai montrée tantôt. C'est que dans le ciel, il y a aussi une tente, un tabernacle, dans lequel Jésus est allé porter son sang pour chacun des hommes, des femmes de cette terre. Dieu a tant aimé le monde. Il est allé porter son sang pour le monde. C'est ça qu'il a fait, Jésus. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, en parlant du tabernacle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux qui étaient la victime expiatoire, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il est parfait. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il pas juste vos œuvres, mais votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant. J'ai dit qu'on allait jusqu'au verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, c'est-à-dire sous la loi, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Gloire à Dieu! Non seulement racheté, non seulement pardonné, mais glorifié. Ça, c'est ce qui nous attend. Mais puisque Dieu a été capable de démarquer Aaron à travers les autres qui étaient là, sachez que Dieu est capable de vous démarquer, vous, par rapport à tous ceux qui vous entourent. Et il veut le faire. Il veut se servir de nous pour annoncer la bonne nouvelle de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Mais il y a un autre pendant. À celui qui croit, il y a celui qui va croire ce que Jésus a fait et qui va se soumettre à ce que Dieu dit, mais il y a un pendant de celui qui ne croit pas. Donc, la souveraineté de Dieu va se démontrer aussi par la mort de celui qui ne croit pas. Et regardez bien comment c'est écrit, c'est intéressant. Hein? Je reviens dans Nombre 17, versets 12 et 13. Les enfants dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous fera-t-il tous expirer? » Donc, vous voyez que quelque part, c'est qu'on voudrait bien faire le rôle qu'a le souverain sacrificateur. Vous avez vu tous ces habits, c'est glorieux, là. Tout le monde voudrait être habillé comme ça. Oui, mais est-ce que vous avez la capacité de porter le péché des autres? Est-ce que vous avez la capacité de vous présenter devant Dieu et de tout faire sans faute? Pourquoi? Pour être capable de ressortir du lieu très saint vivant. Parce que sinon, Aaron ne ressort pas de là. Il doit accomplir parfaitement le sacrifice que Dieu lui demande pour rester vivant et de revenir l'année d'après. Nous, on voudrait bien faire par nos propres moyens on va dire, gagner notre ciel. On aimerait bien ça, être capable de faire ça. Faire des bonnes œuvres, qu'on appelait dans le temps, des B.A. B.O. B.O., oui, c'est ça. On me dit ça des fois dans un organisme où je vais. De fait, vous avez fait des bonnes œuvres aujourd'hui. Eh oui, si tu savais ce que ça donne. Mais on voudrait bien, nous, être capable de se sauver soi-même. On est même osé aller dire à Jésus, « Bien, Seigneur, si tu es capable de guérir les autres, bien, descends de la croix et guéris-toi toi-même. Hein? Descends de la croix et on va croire en toi. » Jésus, il s'est pas laissé tenter par ça. Éphésiens 2, 8 et 9, il dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est un. Et ça ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie, que personne ne se pète les bretelles. Okay? C'est parce que j'ai fait des bonnes choses, Seigneur, tu dois me sauver. Ça ne passe pas. Et Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour les incrédules qui étaient là encore, qui eux autres auraient beaucoup aimé s'approcher du tabernacle et même d'entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, ce qui était interdit, Dieu, pour ne pas qu'ils meurent, il leur a mis des gardes. Dans la construction du temple dans le désert, autour du tabernacle, il y a tous les Lévites, qui sont les gardes entre les armées et le temple, pour justement qu'ils demeurent vivants, qu'ils ne s'approchent pas. Seul Jésus est le souverain sacrificateur parfait de Dieu et qu'il peut purifier parfaitement tous tes péchés et même laver ta conscience des péchés passés. Et il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le ciel plusieurs fois. Aujourd'hui, Jésus est vivant, assis à la droite de Dieu dans le ciel. Connais-tu ce Dieu souverain et connais-tu son Fils? Est-ce que Jésus, pour toi, est-ce que le Père, est-ce qu'ils ont de la valeur dans ta vie? Est-ce que tu t'es approché de lui? Est-ce que tu as pris connaissance de ce qu'il te disait? Est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Et est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Mon conseil, c'est d'accepter que chacun accepte la souveraineté de Dieu dans sa vie. Que chacun laisse Dieu diriger sa vie. Que chacun laisse Dieu te défendre. On n'a pas besoin toujours d'argumenter. Aaron a pas, Dieu ne lui a pas laissé la chance d'argumenter. Il a dit, voici ce que vous allez faire et je vais vous démontrer moi qui j'ai choisi. Aaron le sait qui a été choisi. Il n'a pas besoin de parler, lui. C'est Dieu qui prend sa cause en main et qui la défend. Alors, dans des situations tendues, peut-être que vous allez vivre, il y a parfois vous allez devoir répondre avec sagesse, avec douceur, en fait, pour que vous allez ressembler à Jésus. Sinon, taisez-vous et laissez Dieu agir. Il sait comment faire. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse.